ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida busabye ko umuntu wese aba muri kino gihugu ko yoza arasuzuma mu muryango wiwe canke mu kibano ko atabana bari munsi y'imyaka 15 bafise ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe canke ko atabana n'abakuze boba bafise ibimenyetso by'indwara y'agasama. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. 75 millions d'euros, c'est le coût d'un programme de coopération bilatérale avec le Burundi que vient de valider la Belgique. Il couvrira les secteurs de la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et la gouvernance sur une période de 5 ans. Et la commune Muhuta et une coopérative des jeunes sont à couteau tiré. Cette commune a suspendu unilatéralement un contrat d'exploitation agricole d'un terrain avant son terme. Alors que le dégel des annales pour les fonctionnaires de l'État régis par les statuts spéciaux tarde à se concrétiser pour certains, la rédaction Isanganiro revient sur le décret du 1er septembre. Entre-temps, le président du syndicat des enseignants de l'Université du Burundi déclare que certaines irrégularités relevées par le gouvernement ne sont pas du tout fondées. Voilà pour la sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. La Belgique vient de valider un programme de coopération bilatérale avec le Burundi. La première partie de ce programme va coûter 75 millions d'euros. Des fonds qui vont être débloqués sur une période de 5 ans par Enabel. Cela ressort d'un communiqué de presse sorti après un atelier de validation de ce programme qui a eu lieu le 17 de ce mois. Ces fonds sont consacrés au secteur de la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et la gouvernance. Sheila Ilambona. Ce communiqué sorti après un atelier de validation du futur programme bilatéral indique qu'après 10 ans, le Burundi et la Belgique se sont convenus de collaborer encore une fois. La Belgique a accepté de débloquer prochainement 75 millions d'euros à travers son programme Enabel au Burundi, des fonds qui vont être débloqués au cours de 5 années. Sur le compte Twitter d'Enabel au Burundi, on indique que ces 75 millions seront essentiellement consacrés pour 5 secteurs, à savoir le secteur alimentaire, la santé, l'éducation et l'entrepreneuriat, ainsi que la gouvernance. Ce programme qui va être mis en œuvre est le fruit des discussions qui ont été faites entre le gouvernement burundais et la Belgique depuis mars dernier. Ce communiqué affirme que ce budget va contribuer dans la mise en œuvre des priorités du gouvernement du Burundi à travers le plan national de développement du Burundi 2018-2027, une fois les signatures apposées sur le document final du futur programme de coopération bilatérale. Sheila Ilambona. Les annales pour les agents de certaines institutions publiques à statut spéciaux qui ont été gelées depuis 2016 sont débloquées par le décret-loi du 1er septembre de l'année en cours, mais ce dernier n'a pas encore été mis en application pour certains. Ces annales concernent le ministère de la Justice, à l'exception des agents de l'ordre judiciaire, les administrations personnalisées de l'État, les établissements publics à caractère administratif, industriel et ou commercial, et les administrations à caractère social. On fait le point avec Evariste Ndikobanyanga. En son article premier, ce décret-loi fixe les modalités pratiques de levée de gel d'avancement et harmonisation des modes de blocage administratif et avancement fictif dans les institutions publiques à statut spéciaux dont les annales ont été gérées depuis 2016. Les institutions visées à l'article premier sont entre autres le ministère de la Justice à l'exception des agents de l'ordre judiciaire, les administrations personnalisées de l'État, les établissements publics à caractère administratif, industriel et commercial, et les administrations à caractère social. L'article 3 de ce décret stipule que dès l'entrée en vigueur de l'exercice budgétaire 2023-2024, un déblocage administratif et un avancement annuel fictif sont effectués pour caser chaque employé suivant les notes obtenues de 2016 à juin 2023. En son article 4, ce décret indique qu'il est établi un mode d'avancement annuel harmonisé dans les institutions publiques visées à l'article 2. Les taux d'avancement annuel sont fixés à 7% pour la note élite, 6% pour la note très bon et 4% pour la note bon sur le salaire de base. Une note inférieure à bon ne génère aucune augmentation annuelle sur le salaire de base. À noter que le présent décret prend effet à partir du 1er juillet 2023. Merci Évariste. Le syndicat des enseignants de l'Université du Burundi estime que certaines irrégularités relevées par le gouvernement par rapport au dégel des annales du personnel des institutions en statut spécial ne sont pas fondées. Le professeur Désiré Nissoubi, il est président de ce syndicat, indique que par exemple que la majoration des salaires s'est appliquée aux enseignants qui ont avancé de grade académique après leur formation ou publication. On l'écoute. Contrairement à ce qu'ils étaient en train d'affirmer maintenant pour faire traîner cette mise en application du décret relatif, si je donne l'exemple de l'Université du Burundi, ils ont généralement affirmé que le travail de l'Université du Burundi, ils vont continuer à recevoir les avancements comme si rien n'était. Et généralement, ils se sont donné le droit de s'octroyer 35%. Ça nous a beaucoup humiliés. Ça a été remarqué que si on comparait les accréditifs de 2016 et les accréditifs de 2023, les deux accréditifs se ressemblent. Et comment on peut avancer de 35% et je ne m'avoir le même accréditif. Et quand nous avons demandé cette question, on a dit que les professeurs continuent à avancer, ce qui n'est pas correct, parce que les professeurs de l'Université du Burundi n'avancent pas par cotation d'annale, mais avancent par diplôme ou par publication. Imaginez-vous, à titre d'exemple, un assistant avec un diplôme de licence, ou bien un maître assistant avec un diplôme de master, quand il va généralement poursuivre ses études, généralement rentre avec un diplôme de doctorat. Est-ce que quand il va rentrer avec le blocage des annales, est-ce qu'il va toucher le même salaire que le salaire qu'il touchait avant de devenir docteur? Ça, je crois que c'est pas cela qu'ils ont voulu signifier. Ou bien, si par exemple, un professeur qu'on appelle chargé de cours avec des publications, des séminaires, et s'il passe normalement de chargé de cours au professeur associé et de professeur associé à professeur ordinaire, est-ce qu'on va dire que généralement il vient d'avancer par annale? Et c'est ça ce qu'on appelle avancement sans arrêt à l'Université du Burundi. Je crois que ça, ce sont des manœuvres dilatoires que le ministère des Finances a utilisées pour expliquer généralement l'impossibilité de mettre en application le décret présidentiel. C'était le professeur Désiré Nissoubi, il est président du syndicat des enseignants de l'Université du Burundi. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. L'avenue des États-Unis passant dans le quartier Kigobe est impraticable à cause des nids de poules qui la jonchent. Les usagers de cette route disent que leur véhicule tombe souvent en panne. Les piétons, de leur côté, affirment qu'ils éprouvent des difficultés quand il a plu. Ils réclament la réhabilitation de cette route, comme on l'a fait ailleurs. Jean-Marie Mayonga, son constat. Cette route qui passe dans le quartier Kigobe est remplie de nids de poules dans différentes parties. Les usagers disent qu'ils rencontrent des problèmes parce que leurs véhicules sont endommagés par ces nids de poules. Les piétons de leur côté précisent que quand il a plu, la route devient praticable et les véhicules leur jettent de l'eau sale. Franchement, cette route ne nous facilite pas. C'est plein de nids, de poules et de pierres. Nos véhicules sont à tout moment dans les garages. On ne peut pas passer un mois sans aller voir les garagistes. Quand il a plu, ça devient autre chose. Tu ne peux pas voir le nid de poule. Tu te trouves tombé dans ce nid. La route endommage nos véhicules. Ça nous dérange beaucoup. Si tu essaies de passer à côté, tu peux faire un accident. Les pièces de nos véhicules s'abîment à tout moment. Ils demandent au gouvernement de faire la réhabilitation de cette route comme ça a été fait pour les autres. Nous demandons à l'État de réhabiliter cette route comme ils le font pour les autres routes. Les documents, les prix montent du jour au jour et on ne trouve pas facilement de l'argent. Il faut que l'État nous aide pour réhabiliter la route. Que le gouvernement fasse tout moyen pour boucher ce nid de poule pour que cette route devienne praticable. Cette route, appelée à venir des États-Unis, passe à côté de l'ambassade de l'Amérique jusqu'à la PAF. Les trois personnes, une femme et deux détenus libres de la prison centrale de Lomongué, sont dans les mains de la police de Lomongué depuis ce lundi matin. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat par jet de pierre dans la tête de l'un de leurs co-détenus libres aussi, rencontré dans le quartier centre urbain chez cette femme qui aurait été sa femme illégale. Une mort des suites de ses blessures. La police de Lomongué confirme ses rétentions pour enquête judiciaire afin de les traduire en justice. Un malentendu s'observe entre la commune Muhuta et la coopérative dénommée Inhwari Mwiterambere, des jeunes de cette commune de la province Lomongué. À l'origine, c'est la suspension par la commune Muhuta du contrat prêtant cette coopérative en terrain à cultiver pour le donner à une autre personne avant même la fin du contrat. Cette coopérative exige la réparation des dommages causés par la rupture de ce contrat au moment où la commune dit être seulement prête à lui montrer un autre terrain et aucun compromis entre les deux parties jusqu'à présent. Jean-Pierre Misako. Depuis mars 2023, après la collecte de 5 tonnes de maïs et 400 kilos de soja récoltés dans un terrain leur prêté par la commune Muhuta, les membres de la coopérative Inhwari Mwiterambere des jeunes de la commune Muhuta se sont vus retirer l'exploitation de ce domaine avant même l'expiration du contrat de 2 ans d'exploitation qui liait les deux parties selon les termes de cet accord. Justin Deschimier, président de cette coopérative, dit que plusieurs correspondances ont été adressées à l'administrateur communal de Muhuta pour savoir ce qui se passait après le constat qu'un autre locataire exploitait ce domaine, mais sans réponse. C'est, selon lui, à partir de la correspondance de l'administrateur communal de Muhuta adressée au chef d'antenne provinciale du PAEJ de Lomongué le 1er septembre 2023 que la coopérative a finalement constaté que le dit contrat avait été annulé. Justin Deschimier, présentant des semences de maïs et d'arachide en attente d'être semées et de l'engrais chimique et de la dolomie qui risquent de voir leur garantie expirer encore en stock, réclame le dédommagement des pertes subies avant tout autre contrat. Scolastique Nio Xavier, administrateur communal de Muhuta, dit que ce contrat a été annulé puisque cette coopérative avait violé les termes du contrat, notamment en rapport avec l'entretien des manguiers de la commune. Depuis lors, la commune a cherché à signer un autre contrat pour un autre terrain à cette coopérative, mais sans succès. Même lors de la rencontre de deux parties de ce 18 octobre 2023, aucun compromis n'a été obtenu. Si cette coopérative continue de refuser cette offre, la commune va prêter le terrain à d'autres dans le besoin, avertit l'administrateur communal de Muhuta. Pour certains habitants de Kitaza, son malentendu trouve ses origines dans la publication sur les réseaux sociaux qu'une partie de la récolte de maïs a pourri suite à la non-disponibilisation par la commune Muhuta d'une salle pour sa conservation, ce qui a rejeté en bloc la commune Muhuta. Jean-Pierre Misago de Fuigitaza, Radio Isanganiro. Actualité internationale. Le gouvernement tanzanien et DP World ont signé ce dimanche 3 contrats confiant pour 30 ans l'exploitation d'une partie du port de Dar es Salaam au groupe Emirati dans le cadre d'un accord intergouvernemental signé l'an dernier visant, selon le gouvernement tanzanien, à améliorer la productivité des 80 ports officiels du pays à travers la cession d'activités à l'un des principaux opérateurs portuaires mondiaux. Ces contrats donnent à DP World le droit de gérer exclusivement 4 des 12 postes d'amarrage du port, l'un des plus importants du continent, et d'en exploiter 4 autres en partenariat avec l'autorité portuaire tanzanienne. L'intervention d'ODP World devra permettre notamment de réduire les temps de déchargement et de développer les échanges avec les pays voisins enclavés, le Rwanda, le Burundi, la Zambie, Malawi et d'autres, a déclaré la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan lors de la cérémonie de signature. En RDC, les combats se poursuivent entre les Mbole et les Lenga, deux communautés de la province de la Tchopo, aux portes de la ville de Kisangani, dans le nord-est du pays. Six civils sont morts ce week-end, portant le bilan à plus de 500 morts depuis février. Par crainte de débordement, le gouvernement national a dépêché un escadron de 150 policiers pour maintenir l'ordre dans les territoires en crise. Le conflit entre les communautés Mbole et Lenga couve depuis 8 mois. Les premiers accusent les seconds d'avoir vendu leur terre à une entreprise pour 20 ans d'occupation, mais le conflit a été aggravé par des assassinats et des cycles de représailles. Et au Cameroun, les soupçons de malversation financière au sein de l'Assemblée nationale font grand bruit dans les couloirs de l'institution depuis quelques semaines. Des dysfonctionnements autant sur le plan administratif que sur la tenue des comptes budgétaires qui mettent à mal le fonctionnement de la Chambre. L'alerte a été donnée au cours d'une réunion de préparation du nouvel exercice budgétaire de l'Assemblée nationale le 17 octobre dernier. Le rapport de contrôle interne conduit par les questeurs de l'Assemblée nationale révèle en l'occurrence que 2/3 du budget de l'institution, qui est de 23 milliards de francs, 35 millions d'euros environ, avait été consommé en seulement 6 mois. Radio Isanganiro, chronique sport. Le tournoi des jeux traditionnels est organisé chaque année par le ministère en charge des sports et chaque province doit être représentée. Ildefonse Ndayambagé, chef de service des sports de masse au sein de ce ministère, indique que ces jeux traditionnels aident les jeunes à sauvegarder la culture burundaise. Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Le tournoi des jeux traditionnels devrait être organisé au niveau national, mais suite aux moyens insuffisants, ce tournoi s'est déroulé cette année dans deux régions, à savoir le nord et le centre-est. Explication d'Ildefonse Ndayambagé, chef de service des sports de masse au sein du ministère en charge des sports. Ce tournoi des jeux traditionnels, cette année-ci, le championnat a été organisé dans les régions. La finale a eu lieu dans la province de Gitega. Mais normalement, on devrait l'organiser au niveau national, puisque le budget bien les moyens ne sont pas suffisants. Le championnat a été organisé dans les deux régions du nord, du centre-est, recouvrant les provinces de Muyinga, Kirundo, Kanza, Ngozi, et le centre-est recouvrant les provinces de Tchamuzuru, Igimwa, Gitega. La finale a eu lieu à Gitega. Il indique que ces jeux traditionnels étaient pratiqués par nos ancêtres. Les jeux traditionnels, ce sont des jeux qui étaient pratiqués par nos ancêtres, différemment de ceux que nous voyons à la télévision. C'est beaucoup parce qu'on a essayé de faire le ressassement de ces jeux. Il y a ce qu'on appelle le renversement, le course croche à pied, il y a le sous-famille de judo, le saut à roter, ainsi de suite. Le chef de service des sports de masse au ministère et à les sports dans ses attributions fait savoir que ce jeu aide les jeunes à sauvegarder la culture burundaise, tout en précisant que ce sport n'exige aucun critère de participation. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de critères exigés pour pratiquer ces jeux, parce que nous, l'objectif est c'est la participation massive des Burundais. On leur demande tout simplement, les compétiteurs si vous voulez, de s'entraîner tout simplement. La valeur ajoutée à ce sport, comme on a déjà dit, que c'est un sport qui est différent avec ce que nous voyons aujourd'hui. La valeur ajoutée, c'est que c'est la sauvegarde de la culture burundaise. Le dit tournoi atteint une étape satisfaisante du fait qu'il existe des équipes qui représentent chaque province du Burundi. Et si on essaie d'analyser l'état d'iré, si vous voulez, l'état d'avancement, on voit que quand même il y a un pas quand même suffisant, parce que si on essaie d'analyser, de voir du début, le commencement du championnat du séjour traditionnel à l'actuel, on voit quand même que chaque province participe. Il y a des équipes qui représentent chaque province. Donc cela montre qu'il y a comme une évolution positive. Et normalement, ces jeux, si vous voulez, nous sont pratiqués dans n'importe quel lieu, et aussi dans n'importe quel terrain. Mais quand même, on essaie de voir dans différentes provinces le lieu qui peut nous permettre quand même d'organiser ce championnat, qui peut être, semble être bien. Dans la prochaine chronique sportive, Ildefonse Ndayambagé expliquera les défis auxquels fait face ce sport et les recommandations qui peuvent contribuer à l'évolution de ces jeux traditionnels. La chronique sport est signée Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.